mature, mais qui sait, j'ai tort peut-être. C'est ma nature de jouer la forte tête. Peut-être que je suis un ton au-dessus des autres. Peut-être que je suis un con comme tous les autres. Écoute, je veux pas être une star, je veux être le meilleur. Et à coup sûr, après cette phrase, on dira que je me la pète. Trop des nœuds, c'est le rap qui veut ça. Mais y'a quoi, je vais quand même pas m'excuser de croire en moi, ok. La vingtaine, ça paraît court, c'est vrai. Pour prétendre avoir de l'expérience, dire je suis prêt. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je n'ai rien d'autre qu'un chiffre. Car une fois que la vie te chiffre, t'en gardes les traits. En plus de ça, j'ai jamais prétendu donner des leçons à qui que ce soit. J'ai ma vision des choses, tu kiffes ou pas, je te laisse le choix. J'ai jamais forcé personne à écouter mes vers, et c'est qu'un kiff, tu vois. Mais peut-être que je me trompe depuis le début. Que la musique c'est pas fait pour moi, que je fais le têtu. Peut-être que j'aurai jamais ce truc en plus qui fait que je puisse faire la diff et que les gens puissent kiffer. Je dis que j'ai un message, mais peut-être qu'il est vide. Je dis que j'ai un combat, mais peut-être que je l'évite. Et à vouloir être fidèle à moi-même, peut-être qu'aucun de mes sons ne serait un tube. À moins qu'une grosse major les dites, mais je la sors des tripes. J'ai une poésie indissociable de mon intégrité, c'est un sport d'équipe. Mon point fort, mon point faible, c'est ma sincérité. Alors quand ça critique, je prends comme des balles ce qu'on nomme des pics. Mais j'aurais peut-être mieux fait de jouer un rôle. Parce que je deviens un livre ouvert et je t'avoue que ça me fait peur. La chute peut être fatale parce que j'y ai mis du cœur. Mais je suis qu'un homme, j'ai le droit à l'erreur. Je me dis mature, mais qui sait, j'ai tort peut-être. C'est ma nature de jouer la forte tête. Peut-être que je suis un ton au-dessus des autres. Peut-être que je suis un con comme tous les autres. Je me dis mature, mais qui sait, j'ai tort peut-être. Mais qui sait, j'ai tort peut-être. Mais qui sait, j'ai tort peut-être. Je me revois encore, y'a 10 piges, un stylo et une feuille. Je lâche mon premier texte dans ma chambre. Y'avait mes parents dans celle d'à côté. La vérité, j'aurais jamais osé s'ils avaient pu m'entendre. On pourrait dire que c'est un mal pour un bien. Mais si j'avais pu choisir, tu sais déjà ce que j'aurais voulu prendre. Quand j'étais môme, le silence m'a appris le poids des mots. Les mots ont bien trop de valeur pour les vendre. Mes parents ont vraiment du mérite. Alors mon frère et moi, on se doit de faire plus que bien. Pour ma part, je serais entêté jusqu'à ce qu'ils voient ma tête dans l'écran de télé. Et là, ouais, je serais plus que bien. Je veux pas du bif, je veux de la reconnaissance. Je suis peut-être naïf sur la suite, mais je connais mes chances. Peut-être qu'avec le temps, mon discours changera. Mais pour l'instant, je reste modeste, tant je guette ce que je chante. J'avance à contre-courant, car en France, la prise de position est anti-commerciale. Moi, je veux que c'est commercial, mais à voir comment les gens flippent. Je crois que la provoque n'est pas un commerce viable. Mais tant mieux, je kiffe envoyer des balles, que ça touche à des sujets, que tous parlent de ça. C'est vrai que j'ai des doutes, mais qu'une parole. Donc si je vais pas au bout de mon truc, c'est que je suis pas si radical que ça. Et crois-moi que je laisserai pas ce plaisir à ceux qui maudissent, qui veulent que mes rêves mollissent. MC pour la conformité, mais aucune règle ne m'empêchera de ressentir ce que les mots disent. Tu sais ce que les mots me disent, apprends-moi à faire du rap. Et ça, ça me parle plus que toutes tes bises. J'ai fait un rêve où chacun serrait les coudes. Commence à baisser le son, parce que je veux que tout le monde écoute. Commence à baisser le son, parce que je veux que tout le monde écoute. Yeah. Commence à baisser le son, parce que je veux que tout le monde écoute. Yeah. Tout le monde écoute. Je le répète, je ne suis qu'un môme qui veut défendre des causes. Si je peux pas changer les choses, je peux les arranger. Je veux pas juste me contenter de descendre et poser mes proses. Mes idées sont la chambre que je ne veux pas ranger. J'ai du mal à me situer, mais je crois suivre le droit chemin. Et si tu es n'est pas ton truc, c'est que tu es comme moi. Contre le mauvais de l'être humain, ma voix, je main. Tiens, tiens, il se pourrait peut-être même que je parle de toi. Retiens bien, c'est radical, MC aka kick, engagé, fluide et speed, tel un corps d'élite. Je déborde, délivre mon cœur de manière bordélique. Des torts et des efforts, qu'est-ce que c'est fort ce que je porte au bord des lignes. Pour finir, je veux être sûr qu'il n'y ait pas d'ambigu. Mon style, c'est de s'interroger et donner un point de vue. Je ne veux pas être celui qui vers l'impose et te pousse. Porte-parole de personne, je nous représente tous. Fais comme bon te semble, fais tes choix selon toi et personne d'autre. Ou suis-moi si tu veux, et si c'est le cas, ça m'honore. Mais la maturité commence quand on se contente d'avoir raison, sans trouver nécessaire de prouver que quelqu'un a tort. Peace.